La violence et la guerre paralysent notre continent. Trop nombreux sont les innocents tués par les conflits. Trop nombreux sont les citoyens qui ne peuvent exercer les plus fondamentaux de leurs droits de l'homme. Trop nombreux sont les enfants qui n'ont pas la moindre possibilité de mener une vie simplement normale. Et trop nombreux sont les dirigeants qui ne connaissent toujours que la raison du plus fort veulent régler les différends par la force des armes.